Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Hellbanger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. On est ensemble pour une nouvelle émission, d'ailleurs ça fait bizarre, hein, parce que là, à l'heure à laquelle j'enregistre l'émission, y a un grand soleil, même si ça pèle pas mal dehors, il y a un grand soleil, du coup ça fait vraiment bizarre d'être enfermé dans son petit bureau avec un petit setup propre pour vous enregistrer l'émission de la meilleure qualité possible. Une émission avec beaucoup plus de musique que la semaine dernière, puisque là, pas de focus. Hein, et d'ailleurs, les focus, pour rappel, de l'émission de la semaine dernière, vous pouvez les retrouver en écoutant les pistes de notre petit blog, hein, Hellbanger Radio Show Blogspot. Et vous pourrez même retrouver les focus des émissions précédentes, puisque maintenant l'ami Sylvain il compile un peu tout ça, toujours sur notre petit blog. Donc voilà, c'est l'outil complémentaire que l'on utilise pas mal en fait. Voilà, bienvenue dans cette nouvelle émission que l'on va commencer de la même manière que la semaine dernière. Avec tout d'abord les vétérans, les bouchers vétérans du death metal américain Cannibal Corpse. Ils sortent leur 15e album studio Violence Unimagined. J'ai toujours autant de mal à le prononcer ce mot, ça n'a aucun sens, c'est vraiment merdique. Unimagined, non, c'est vraiment très chiant. Toujours sur le label Metal Blade, et dans la foulée de Cannibal Corpse, on va s'écouter Enforced, avec un extrait de leur nouvel album Kill Greed. Enforced, qui a bénéficié d'un petit focus tout d'ailleurs la semaine dernière. Cannibal Corpse, Enforced, doublette d'ouverture, Inhuman Harvest, extrait de leur nouvel album studio pour les ricains de Cannibal. Curtain Fire pour Enforced, c'est parti et bienvenue dans l'émission. Another victim for complete control. Reaping final body parts. Surgical precision taken on the movie soul. Slash line of a blood down the chest. Removal of the organs. Cut the arteries and veins. Everything must go. Before the victim dies, burn the body to dispose. Kill this and soothe the serious. Leaving no trace, no evidence. They vanish, never to be seen again. Vanish from existence. Genocide! existence. Inhumane torment. Suffocation of a victim for complete control. Inhumane torment. Such a conversation taking all that will be sold. We'll be right back. la doublette suivante, Sarcrista tout d'abord pour une petite dose de black metal, Sworn to Profound Heresy, c'est le nom de leur nouvel effort studio, et dans la foulée un autre vétéran de la scène, Monsieur Blaise Bailey, notamment ex-vocaliste de Iron Maiden. War Within Me, c'est le nom de son nouvel effort studio, ce que le mec a continué sa carrière, toujours avec classe, détermination et abnégation, même si l'on puit dire, parce que c'est toujours plutôt quali ce qui nous sort. The Beast Reborn, le titre pour Sacrista, Blaze Bailey avec le morceau The Power of Nikola Tesla. Petite blague, allez c'est parti. Yeah! Puisqu'il en fallait pour ce soir, bien première nouveauté, le Death Brutal Death des Italiens de Hideous Divinity. Ils sortent un nouvel EP, trois titres, deux morceaux, une reprise de Creed and Cambria, c'est original, je dirais pour un groupe de Tech Death, Brutal Death, de reprendre un morceau de Creed and Cambria. Voilà, donc suite directe de l'album sorti fin 2019, Simulacrum, que vous avez bien évidemment diffusé. Au niveau du titre de l'EP, il y a un petit concept derrière. Alors, est-ce que ça annonce la couleur pour le prochain EP, puisque là, l'EP s'intitule LV4026, et pour ceux qui n'auraient pas la référence comme ça à l'écoute, hein, c'est vrai que moi non plus, en voyant le truc, j'ai pas capté tout de suite, c'est l'ami Sylvain qui a, comme d'hab, fait ses petites recherches, et en fait, c'est tout simplement tiré du film Le Huitième Passager, bien sûr, de la série Alien. C'est le nom de la planète du coup où l'équipage du Nostromo, l'emblématique vaisseau spatial, découvre l'espèce inconnue dont l'un des membres est infecté du coup par l'alien qu'on découvra au fil du film. Voilà, et le premier titre qu'on va s'écouter tout de suite de l'EP s'intitule Chest Burst, donc voilà, vous voyez tout de suite la scène à laquelle le titre fait référence. A noter que d'ailleurs Hideous Divinity a fait évoluer son logo. Est-ce que c'est juste pour l'EP? Est-ce qu'encore une fois c'est pour commencer à marquer le pas pour l'album à venir? Voilà, musicalement c'est toujours ultra quali, avec presque un petit côté Nile dans les ambiances, vous allez voir sur le titre qu'on va s'écouter. Voilà, et en doublette avec cette première nouveauté pour aujourd'hui, on va s'écouter les Hollandais de Cryptosis, le groupe de Trash Tech, Bionic Swarm, extrait de leur premier album studio, Hideous Divinity tout d'abord avec le morceau que j'ai déjà pas mal présenté, c'est une avant-première, parce que l'EP ne sortira que le 23 avril chez Century Media, et Cryptosis, l'album déjà dispo chez Century Media, on va s'écouter le titre Flux Divergence, c'est parti. Yeah. Pour la doublette suivante, une doublette bien ténébreuse avec tout d'abord la vieille formation serbe The Stone, groupe de black metal qui sort son nouvel effort studio Cost and Ice. J'ai déjà présenté du coup dans la précédente émission ce nouvel effort de The Stone. Il est déjà disponible et dans la foulée on va s'écouter le Heavy Epic Doom de Will avec un extrait de leur nouvel album studio Preserved in Time. The Stone avec le très sobre, très efficace Omnicide et dans la foulée Will avec Hero of the Week. C'est parti! Schon durch Mann, nur auf Rio. C'est vrai que j'enchaîne pas mal les présentations de ce soir, du coup bah, les morceaux s'enchaînent, hein. Il y a un peu moins de blabla, mais en même temps c'est parce qu'il y a moins de nouveautés, et ben on arrive déjà dans l'aspect française, hein, avec près de 40 minutes de groupes uniquement venus des quatre coins de l'Hexagone. On entre d'ailleurs dans cette doublette, dans cette spé française, pardon, de la même manière que la semaine dernière, hein, les deux pieds en avant, droit dans la mâchoire, avec Creeping Fear et Worst Doubt. Tout d'abord Creeping Fear, le très très bon groupe de death metal français qui sort son nouvel effort studio Head God Triumph, toujours une sortie chez Dolorem Records. C'est vrai qu'après le précédent album de Abyssal Ascendant et le prochain album à venir... putain, ça y est, j'ai bouffé le nom du groupe, je l'avais tout à l'heure encore. Après Creeping Fear de Nefrenka, voilà, le groupe inspiré de Dune, voilà, le grand retour à venir de Nefrenka, toujours chez Dolorem Records. Et dans la foulée, donc le hardcore de Worst Opt, un titre plutôt court, terriblement efficace. Et voilà. Creeping Fear, From Rome to Battlefield, Worst Opt, extrait de leur premier album studio intitulé Extinction. On s'écoutera le titre The Tormentor. Vous allez voir un espèce de mid-tempo bien vénère, avec des espèces de petites ambiances à la Napalm Death. C'est parti. We'll be right back. Pour la suite, doublette suivante, tout d'abord Herzl qui a bénéficié d'un très beau focus la semaine dernière dispensé par l'ami Thibaut. Herzl qui sort son nouvel effort studio Le Dernier Rempart, on est sur du pur heavy metal années 80 chanté en français, enfin heavy speed à moitié pour Herzl. Et dans la foulée, Decline of the Eye qui commence un nouveau triptyque. Avec la première pierre de ce triptyque intitulé Johannes, l'ultime combat pour Herzl et The Veil of Splendid Lies, signé Decline of the Eye, c'est parti.